jeter tous nos rêves à la mer. On a vécu la descente aux enfers. On a trop dit les mots qu'on aurait dû taire. On a laissé le temps jouer contre nous. On a brûlé la flamme jusqu'au bout. On a détruit ce qui nous tenait debout. Regarde-nous encore une fois. On a trahi ce qu'on s'était juré. On a eu tort sans jamais l'avouer. Sans l'avouer. Souviens-toi de ce qui nous retient. Oh, oh, oh, souviens-toi. Yeah.